Chapitre 10. Fin de la tempête et élection d'un nouveau capitaine. On se souvient encore tout le long de la côte bretonne, en Normandie et en Angleterre, de la grande tempête. Il y eut 23 navires anglais et 7 français à sombrer rien que dans la Manche. Et la morue fut chère l'an qui vint, parce que presque tous les bateaux Terre-Neuve de Saint-Malo périrent en vue des côtes de France ou d'Angleterre. Quand les deux Hollandais, mes compagnons de pompe, virent que nous pompions si bien, ils se mirent à causer ensemble. Jean me dit : Je ne les comprends pas, et c'est étonnant qu'il y ait des peuplades entières assez crasses d'ignorance pour ne pas savoir un mot de français, mais je sais bien ce qu'ils disent tout de même. Que disent-ils ? Demandai-je. Ils disent : Voilà un mignon garçon, le plus petit des deux, qui vaut 3 fois son frère. Son frère ! M'écriai-je en lâchant la manivelle, tant j'étais indigné. Les crois-tu si bêtes que de prendre un piteux pour un quimper ? Oh, que non, point du tout, fit Jean. Ils voient trop bien à qui ils ont affaire. Allons, reprends la manique, paresseux. Est-ce que tu n'en peux déjà plus ? Il s'était arrêté en même temps que moi. Les Hollandais se mirent à crier, et je suppose bien qu'ils nous disaient « Fainéant à votre ouvrage !» Nos pieds étaient dans l'eau, jusqu'aux genoux. Nous avions eu beau faire, le niveau ne baissait point, mais il ne montait pas non plus. La pompe que nous manœuvrions, Jean et moi, devait dater du déluge. Elle avait 2 bras bossus qui s'attachaient à un corps énorme, et chacun de mes coups de piston produisait des gargouillements terribles à l'intérieur. On eût dit un géant malade de la colique. Il me semblait bien que les coups de piston de Jean amenaient beaucoup moins de bruit. « Pour une chopine que tu montes, » dis-je, « moi, j'enlève un fût de 3 barriques. Veux-tu attaquer ?» À Saint-Malo, attaquer veut dire mesurer. Si on discute sur la longueur de 2 bouts de corde, on les attaque. C'est le match des Anglais. Jean me répondit. Je veux bien, et je te parie ta part de la pacotille que, dans un quart d'heure, tu vas demander grâce. J'aurais dû m'apercevoir qu'il avait son sourire de Normand, mais la colère me tenait, et il y avait des siècles que je n'avais songé à la pacotille. Il me parut qu'on parlait d'une chose lointaine, lointaine. Elle était dans le riz, la pacotille, et le riz devait être sous l'eau. « Tu n'as pas ta part dans la pacotille, » répondis-je. « Mais pour ce qu'elle vaut maintenant, je te la donne bien tout entière. » Le regard de Jean s'alluma. « En ferais-tu bien crochi-crochette ? » demanda-t-il. « C'est une façon de signer les contrats sans papier, plume ni encre. » J'arrondis mon petit doigt en forme d'hameçon. Jean fit de même et nous crochâmes. « Crochi !» dit Jean. « Crochette !» répondis-je. Et ensemble, faillis chien qui s'en dédie. Ne montez pas sur vos grands chevaux pour crier que je vous défile des fadaises. Avec ce procédé-là, on pourrait fermer toutes les boutiques des notaires. Y es-tu ? J'y suis. Allume. Ce fut alors que la vieille pompe en vit de rude. À regarder comme Jean pesait et relevait, vous eussiez dit qu'il soufflait au grand orgue de la cathédrale. Je pesais de mon côté et je relevais, mais je savais ce qu'il m'en coûtait d'efforts, tandis que ce scélérat de piteux semblait jouer avec une plume. Était-il vraiment plus fort que moi ? La sueur me ruisselait partout et je le voyais frais comme une rose. « Allons, Corentin, la fleur des pois !» me disait-il. « Allons, Quimper, le maître à tous !» « Tu mollis, ma vieille, ça fait pitié de te voir t'essouffler. »« Je pomperai encore comme ça pendant 8 jours sans m'arrêter, » répondis-je. Et je travaillais, misère de moi. Le corps de pompe ronflait comme un trombone. Il y eut un moment où l'eau baissa jusqu'au-dessous de mes chevilles, mais je sentais déjà les tempes qui me battaient et la poitrine me faisait mal. Jean se mit à chantonner. Moi, je criais « Houp là là, hardi, pousse !» Les deux Hollandais s'étaient arrêtés à nous regarder. « Prends garde à tes yeux qui vont te sortir de la tête !» me dit Jean. « C'est drôle, moi je ne peine pas du tout. Tiens, te voilà qui tire la langue. Pouf, c'est à moi la pacotille !» Je venais en effet de tomber sur le plancher sec car j'avais franchi la voie d'eau. Avant de perdre tout à fait connaissance, je vis Jean se pencher sur moi et je l'entendis qui disait « Tu sais, je faisais semblant de pomper, la manivelle de mon côté est cassée et je ne levais rien du tout. Celle-là est bonne, hein ? Ne prends plus la peine de chercher le plus malin de nous deux. » Ces paroles se perdirent pour moi dans un grand bourdonnement. Je voyais tout rouge et ma sueur m'entourait comme un bain de glace. Je me souviens très bien de ma dernière pensée qui fut de nouer mes deux mains autour du cou de Jean et de l'étrangler. Tout a une fin, même les tempêtes. Mes yeux, en se rouvrant, virent un ciel bleu où rayonnait splendidement le bon soleil dont les rayons pénétraient au travers de ma chair et me caressaient le cœur. J'étais sur le pont de la Gabarre, la tête appuyée contre un oreiller de cordage, entre deux vieux pierriers de fer qui me faisaient comme une alcôve. Ils étaient frottés et brillants de nettoyage comme tout le reste. On avait bouché les lumières avec des bondes et ils servaient d'auge, tout uniment. Jean, agenouillé près de moi, avait des larmes plein les yeux et il m'embrassait tant qu'il pouvait. « Est-ce que tu m'aurais regretté ?» dis-je à piteux. Et ce fut ma première parole. « Toi, vilain coquin, cause de ma mort !»« C'est bête, mais c'est pourtant comme ça, » répondit Jean. « Depuis hier au soir que tu ne bouges plus, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et quand j'ai vu qu'on allait arrimer le boulet au pied, » il s'arrêta pour sangloter. « Va, » reprit-il, « j'ai joliment bon cœur au fond, et je te rendrai la moitié de la pacotille, quoique je l'ai bien gagnée. » « De quel boulet parles-tu » demandai-je. Je n'avais pas encore la tête solide, mais je n'éprouvais aucun mal, au contraire. La vie me revenait par tous les pores à la fois, et comme je n'avais essayé encore aucun mouvement, il me semblait que je n'avais rien perdu de mes forces. À ma question, Jean répondit par une nouvelle embrassade. « Ce n'est pas crainte de l'avancement que maman Quimper m'aurait donné, » dit-il enfin. Car jamais je n'aurais osé lui remontrer le bout de mon nez. Mais Fanchette m'avait tant recommandé de te bien garder. C'est Mignard Abraham qui était pour te mettre dans le sac avec le boulet. J'avais beau lui jurer ma parole sacrée que tu étais encore en vie, il ne voulait rien entendre. Et un instant, j'ai cru qu'il comprenait le français, celui-là, tant il me faisait de drôles d'yeux. Mauvaise figure. Il continuait toujours de t'emmailloter et sans Klotz, qui est venu le chercher pour les funérailles de Mignard-Haz, il aurait été capable de me mettre avec toi dans le sac. Il voulait donc m'enterrer vraiment ? T'emmerrer plutôt ? T'as à te voir à ta droite, le sac et le boulet sont encore là avec la planche. Au lieu de tâter, je me retournais comme une sole dans la poêle à frire pour regarder. Il y avait en effet à côté de moi un boulet de 12, un sac et une planche. Jean poursuivait. Le sac et le boulet, c'était pour toi tout seul, mais la planche a servi aux trois autres, Mignard-Haz, qui était le capitaine, Roboam, le timonier, et un pauvre petit mousse de 14 ans, déjà gros comme un éléphant. Ah, dame, ce n'est pas gai, la cérémonie. On vous passe le sac par les pieds, après avoir mis le boulet au fond, et on le noue par-dessus la tête. On étend le tout sur la planche qui est portée et posée en équilibre sur le bastingage d'arrière au-dessus du tambour. Alors on dit « Har, Dar, Mar, Var, Mère Michel, Guacre » ou quelque chose comme ça, un libéra. Quoi donc ? Peut-être en hollandais, mais sûrement ce n'est pas du latin. Si nous retournons jamais à Saint-Malo, papa Quimper qui sait dire un sou de goutte dans toutes les langues, nous expliquera la chose. J'avais fermé les yeux. Mais je la voyais très bien tout de même, cette planche en équilibre sur le bastingage. Malgré la bonne chaleur du soleil, j'avais un peu de froid dans le dos à l'idée que j'avais été si près d'être couché sur cette planche. « Après ?» demandai-je. « Eh bien, après, on fait basculer la planche tout doucement aussi, le sac glisse pour tomber dans le sillage. Ah, va, ça ne paraît pas beaucoup. »« Et tout est dit ?» Non pas. Il y a une cruche de squidam et des tasses, et ça recommence. Foire, par Guacré, Mère Michel, et on boit la santé du sac. Tiens, j'essaye de rire, mais j'en ai la chair de poule, moi. Il me jeta ses bras autour du cou et me serra contre lui tout frissonnant. Depuis notre petite enfance, Jean et moi, nous ne nous étions pas souvent embrassés. Ses caresses me faisaient du bien. Et je fus étonné du sentiment de véritable tendresse que je découvris en moi à son endroit. Je ne me serais jamais douté de cela. Je l'aimais beaucoup, mais beaucoup non pas tant peut-être pour lui-même que pour les êtres chers qu'il représentait à mes côtés. Tous les souvenirs naïfs et doux de nos premiers jours revenaient à cette heure d'émotion où la joie de renaître m'élargissait le cœur. Corentin et Jean, on ne nous appelait jamais l'un sans l'autre. Et quand il n'y avait qu'une pomme pour le goûter, on nous la coupait en deux. Je ne fais pas ici de sensiblerie. Pendant qu'il me parlait, je croyais entendre maman Quimper à travers sa voix, et tout au fond de son sourire qui était maintenant, je revoyais le sourire de Fanchette dans la manne qui lui servait de berceau. D'aussi loin qu'il m'était possible d'interroger ma mémoire, nous ne nous étions pas quittés d'un seul jour. Pendant nos années de prison chez Veuve Élie, c'était sa figure maigrelette et bien pâle que j'apercevais à mon réveil dans son petit cercueil posé contre le mien. À le regarder, je suivais, heure par heure, toutes les pages de mon humble histoire en remontant la pente du passé. « Ah !» fit-il, comme s'il eût répondu à ma pensée. « Nous nous chamaillerons bien encore quelquefois parce que tu as trop de fierté. »« Mais non !» C'est toi qui es trop orgueilleux. Mais n'empêche que je n'ai jamais eu si grand-peur. Depuis hier soir, 4 heures jusqu'à ce matin, tu n'as ni bougé ni respiré et tu étais tout froid. À quel moment la tempête a-t-elle molli ? Demandai-je. Elle était déjà bien calme quand tu es tombé. À la nuit, nous étions maîtres de la voie d'eau et Klotz a fait la soupe comme à l'ordinaire. Regarde comme tout est propre. Le pont présentait un singulier spectacle. Il n'y avait personne, sauf le nouveau timonier, qui se nommait Cornille et qui dormait, le bras passé dans les barres de sa roue. L'un de nos mâts n'existait plus et l'autre n'avait que sa basse tige couronnée par la hune où se dressait un petit mattereau de rechange avec sa vergue déployant un lambeau de toile. C'était avec ce mouchoir et ce clinfoc que nous gouvernions, bercé par la houle énorme, mais très douce, qui succédait aux convulsions de la tourmente. À peine faisait-il un souffle de vent. Tout était balayé et lavé autour de nous. On avait raboté le tronçon du grand mât dont la section, égalisée à coups de varlope, était outrepassée à la cire. Pas un bout de corde ne traînait. Mon regard passa par-dessus le bordage et interrogea l'horizon étonnamment clair. À perte de vue sous le vent, je distinguais une ligne confuse qui était la terre. Je la montrai du doigt à Jean, qui me dit « On la voyait bien mieux ce matin. J'ai idée que nous reculons au lieu d'avancer. »« Penses-tu que ce soit déjà l'Amérique ? » demandai-je. Jean me répondit « On ne peut pas bien savoir. Je ne comprends pas encore tout à fait le hollandais, mais il me semble que je les ai entendus causer de Java » et aussi de Bahama, ou peut-être Panama, et puis je ne suis pas très sûr que nous n'étions pas encore à Saint-Malo la nuit d'avant-avant-hier. Mes yeux durent exprimer une bien profonde stupéfaction, car il se mit à secouer la tête comme quelqu'un dont la mémoire est noyée. « Et toi ? » me demanda-t-il, « combien crois-tu que nous avons mis de temps à venir ici ?»« Ça me semble long, comme toute ma vie. » répondis-je. Puis, remarquant la solitude du pont et le sommeil de Cornille, j'ajoutai « Qui est-ce qui remplace Minyahaz ? Personne, c'est-à-dire tout le monde plutôt. Il n'y a donc pas de capitaine ? Non, ils vivent en République depuis hier. Mais qui mène le navire ? Jean me montra tristement le lambeau de toile au-dessus du mâtereau qui surmontait la vergue et murmura. « Le vent ? Alors, que font-ils tous ? » m'écriai-je. « La soupe ? Et après ? » ?»« Quand elle est faite, ils la mangent ? » ?»« Et après ? » ?»« Ils balayent, ils frottent et ils refont d'autres soupes. » En somme, des divers récits de Jean, il résultait qu'on avait eu 3 morts, dont un emporté par-dessus le bord, et les 2 autres tués par la chute du mât d'Artimon. 7 matelots restaient. Il y en avait 3 qui avaient des blessures plus ou moins graves. La tempête avait commencé à se calmer la veille, un peu avant le moment où j'étais tombé, foudroyé par mon extravagant effort, qui avait mis tout mon sang dans mon cerveau. Au milieu de la déroute des nuages, qui fuyait comme une immense cohue d'éléphants noirs à la croupe roussie, le grand soleil couchant s'était montré tout à coup semblable à une gloire. Ce qui restait de l'équipage s'était réuni sur le pont, où Klotz avait dit quelques mots qui étaient peut-être une prière, car il avait fait le signe de la croix, et tout le monde avait mis bonnet bas, à l'exception du matelot Abraham, gros homme crépu, qui ne ressemblait pas aux autres et qui avait tout à fait une figure de coquin. Au lieu d'ôter son bonnet, celui-là avait haussé les épaules. Klotz et lui n'étaient pas des amis. À cette heure-là, Minyahaz n'avait pas encore rendu le dernier soupir. Il demanda à boire. On lui apporta une écuellée de squidam. Quand il eut bu, il prononça un petit discours qui était probablement pour recommander le nettoyage, car on se mit tout de suite à laver, frotter et balayer. En voyant cela, Minyahaz avait l'air content. Il exigea une autre tasse de tisane et Klotz fut obligé d'achever le genièvre parce que son supérieur était mort à la moitié de la lampée. Ce devait être un bien brave Hollandais, car le tonneau de squidam pleura pour le moins une demi-douzaine de cruches autour de son décès. La nuit était venue splendide. On eût dit aussi que le ciel avait fait son nettoyage. La lune presque pleine épandait sur la mer des brassées de diamants. Cela n'empêchait point la gabarre de fatiguer beaucoup, parce que rasée qu'elle était, rien ne la défendait contre la houle. Les Hollandais tinrent conseil. À les entendre discuter lourdement, Jean pensa qu'ils étaient divisés en 2 camps d'avis contraires. On but pour se mettre d'accord. Ce fut au matin seulement qu'on installa ce semblant de voile au bout d'un bâton planté dans la hune. Après quoi, on rebut. Jean supposait qu'on ne s'inquiétait plus de la route à suivre et que le cornil du gouvernail n'avait d'autre souci que de tenir la coque debout à la houle pour parer aux coups de mer. Il pouvait être 1 heure après-midi quand je repris connaissance. Au moment où Jean achevait ses explications, la grande écoutille donna passage à la pipe de Klotz, qui se montra la première parce que son maître regardait en l'air. Ces Hollandais ont été un grand peuple, on le voit encore à l'abondance vraiment surprenante de leur consommation. Personne ne boit, ne mange ni ne fume comme eux. Ils dorment aussi mieux que les autres et, rien qu'à les entendre ronfler, on reconnaît en eux d'anciens géants. Ils étaient 6. Le crépu Abraham venait après Klotz. Ils semblaient être les personnages les plus importants depuis le décès de Minyahaz. Abraham regarda aussi en l'air. Il échangea quelques mots avec Klotz, puis il montra le haillon de voile qui battait paresseusement contre sa hampe. 2 hommes firent chacun 2 pas vers le mât, mais Klotz secoua la tête et baragouina à son tour. Les 2 hommes s'arrêtèrent. Évidemment, l'un avait dit « Faites ceci », et l'autre, faites cela. Ils prirent tous les 6 des balais et nettoyèrent. Il y avait toujours unanimité dès qu'il s'agissait des balais. Tout en balayant, Abraham et Klotz se mesuraient du regard. La fumée de leur pipe allait en sens contraire. « Avant la fin de la journée, me dit Jean, ces 2-là vont se dévorer. »« Moi d'abord, je suis pour Klotz, m'écriai-je. » Et moi aussi, parbleu, répartit Jean. Je n'ai jamais rencontré de si mauvaise figure que celle de cet Abraham, et il y a des moments où il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Où ça, à Saint-Malo? Dame, puisque je n'ai jamais été ailleurs. Mais je me trompe sans doute. En tout cas, tu sais, pas de bêtises. S'ils en viennent au coup, faisons les morts pour manger le lard quand ils se seront tous entretués. Abraham était obstiné. Il éveilla Cornille, le timonier, en le tirant par son oreille gauche qui s'allongea comme un caoutchouc et, sur son ordre, la roue du gouvernail fit un tour presque complet. Abraham, sans se presser, marcha vers le mât et monta tranquillement à la hune. Tranquillement aussi, Klotz haussa les épaules et se dirigea vers Cornille. Je pense bien que mon coup de sang m'avait un peu brouillé l'intelligence, car j'étais tourmenté par une idée fixe, l'envie de savoir ce qu'était devenue l'armée des rats. « C'est bien connu, dis-je à Jean, que ces bêtes-là trouvent toujours un endroit où se mettre à sec. Dans les histoires à papa Quimper, jamais on ne voit les rats se noyer. » « Ils sont tous sur la hune, » me répondit Jean. « Quand Cornille est monté ce matin pour parer la voilette, ils se sont mis à crier comme un million d'hirondelles. » Juste à ce moment, un concert de grincements déchira l'atmosphère, comme si toutes les limes de l'univers s'étaient mises à mordre des clous. Abraham gigota lourdement au haut de son échelle de corde, lançant sur le pont des choses noires à deux mains et à pleine poignée. Aussitôt tombées, ces choses se mettaient à siffler et à courir. En même temps, une torsade mouvante et grouillante s'enroula autour du tronçon de mât, et en moins d'une minute, la rapide cohue des rats, formée en ligne de retraite large et longue, traça sur le pont un ruisselant zigzag. Ce qu'il y en avait, je n'essaierai pas de vous le dire. Les Hollandais et les rats sont deux peuples ennemis. Il n'est pas rare de voir à bord des galiotes de Rotterdam une couple et, quelquefois, deux petits bouledogues ratiers. Mais au bout de 15 jours, invariablement, les ratiers disparaissent, dévorés par les rats. Ce sont de véritables héros que ces rats de Hollande. Ils sont beaux, ils sont fiers, disciplinés, savants. Chose remarquable, il n'existe pas dans les Pays-Bas une seule fabrique de ces gants, dits de Suède, qui passe pour être fait avec de la peau de rat. À la vue de l'impur régiment qui déroulait ses sections sur le tillac, la haine nationale fit explosion dans le cœur de Klotz et de ses compagnons. Ils se ruèrent en brandissant leurs balais. Cornille lui-même quitta sa roue. Il n'y eut qu'Abraham pour rester sur la hune et border la voile. Les autres se mirent en chasse. On frappa à tour de bras. Les coups de talons ferrés retentirent sur les planches. Et finalement, les 6 Hollandais, oubliant tout décorum, se jetèrent à plat ventre au plus fort de la mêlée. Avez-vous essayé de saisir à poignée du vif argent ? Le subtil métal vous fuit entre les doigts, éparpillant sur le tapis ses perles remuantes, et quand vous rouvrez la main, vous n'en retrouvez pas un atome. Ainsi en fut-il pour la grande razzia tentée par l'équipage de la gabarre. Toute l'armée des rats glissa saine et sauve entre les coups de balais et les ruades. Elle se replongea en bon ordre dans la grande écoutille, regagnant ses ténébreux quartiers. Et il n'en resta pas un poil sur le pont. Klotz avait des opinions fermes. Il revint à la barre et défit le tour de roue qu'Abraham avait fait donner. Après quoi, il monta à la hune pour rétablir sa première manœuvre. Ces choses arrivent quand les hommes sont égaux et le jeu peut durer longtemps. On sort de là par la bataille ou par l'élection. Sur un navire français, il y aurait eu déjà des tapes échangées. Ici, rien de pareil. Chacun usait de son droit absurde avec une exemplaire placidité et la gabarre s'en allait tout de même à la dérive. « Ils ont été déjà 2 fois aux voix pour élire un capitaine, » me dit Jean. « La première fois, chacun a eu sa voix. La seconde fois, Klotz a eu 3 voix et Abraham 3, Cornille ayant continué de s'appliquer la sienne propre. Depuis ce 2e tour, Abraham lui apporte à boire et Klotz lui sert de la soupe toutes les 2 heures pour le séduire. « Je crois que nous allons revoter tout à l'heure. » Les deux concurrents, Abraham et Klotz, marchaient en effet vers Cornille. Abraham tenait à la main une chope et Klotz une écuelle. Cornille refusa l'une et l'autre. On l'avait aussi par trop séduit, il n'en pouvait plus. « Attention !» me dit Jean. « Ils ont vu que tu étais ressuscité. Tiens-toi bien et n'aie pas peur. J'ai un moyen sûr de leur brûler la politesse s'ils ne nous traitent pas à notre idée. » Ils n'ont pu dire davantage. Abraham et Klotz, repoussés par le trop heureux Cornille, venaient à nous. J'avoue que l'idée me monta tout de suite que l'équipage, dans l'embarras où il se trouvait, pourrait bien me choisir pour capitaine. Ils m'ont vu pomper, me disais-je. Jean eut une autre pensée qu'il exprima ainsi. Ils sont capables de nous faire voter. Je lui sus gré de n'avoir pas la même ambition que moi. Klotz gardait son air bon enfant et Abraham lui-même faisait la bouche en cœur. Ils me frappèrent ensemble, l'un sur une épaule, l'autre sur l'autre, deux petits coups d'amitié qui m'engourdirent les bras jusqu'au bout des doigts et entamèrent chacun un coassement différent. Je commençais à apprécier la langue hollandaise et, pour moi, le fond de leur harangue pouvait se traduire ainsi. « Jeune homme, j'ai vu bien des gens pomper, mais pas un qui pompa moitié aussi bien que vous. » Cette version était d'autant plus vraisemblable que le crépus dessinait réellement le geste d'un homme qui pompe à tour de bras. Pendant cela, Klotz gesticulait aussi, mais tout autrement. Il glissait l'index de la main droite sur celui de la main gauche, selon ce mouvement qui veut dire dans tous les pays civilisés « Je t'en ratisse », ce qui ne l'empêchait pas d'enfiler aussi des barbares couacres. Ensuite de quoi, Abraham saisit ma main droite pendant que Klotz m'empoignait la gauche et ils tirèrent chacun de son côté. Ils m'écartelaient tout uniment. Je criais dans ma détresse en hollandais « Nomard des bleuards, mère Michel !»« Lâchez-moi, tas de brutes !» Il me sembla qu'Abraham avait compris. Il fit une grimace qui était peut-être sa manière de rire et me lâcha. Klotz l'imita. Un accord intervint entre eux. Au lieu de me couper en deux selon la jurisprudence de Salomon pour prendre chacun une moitié de moi, ils convinrent d'en bénéficier à tour de rôle. La suite des événements me fit comprendre clairement le sens de cette transaction. Du reste, la grande lutte électorale prit fin par un compromis du même genre que je recommande aux partis politiques dans les pays malheureusement divisés d'opinion. Avec ce système, tout s'arrangea amiable. Il fut décidé que le crépus Abraham serait capitaine depuis le lever du soleil jusqu'à midi, heure où Klotz deviendrait souverain maître à son tour. D'où il résulta que tout le monde fut content, puisque la moitié du temps, le navire faisait route à U, selon les convictions de Klotz, et que le restant de la journée, il allait à Dia, suivant l'opinion d'Abraham. Ceux qui voudront savoir si on avance beaucoup par ce moyen n'ont qu'à regarder autour d'eux, quelle que soit la contrée où la Providence les ait fait naître. Je ne connais, en effet, aucun coin du globe où il n'y ait à droite et à gauche du pouvoir au moins un Abraham et un Klotz. Mais revenons à nos affaires. Il se trouva que la pantomime de nos deux éléphants à voix de corbeau était parfaitement éloquente et sincère. Klotz et Abraham, l'un ratissant, l'autre pompant, avaient dit tous les deux la vérité. Car, en récompense de notre conduite héroïque pendant la tempête, Abraham nous mit à la pompe 3 heures durant, après quoi Klotz nous donna ses légumes à éplucher et, pour finir, à la nuit tombante, on nous remit dans notre trou. Tel fut le vulgaire dénouement de cette journée si dramatiquement remplie. Je ne sais pas quels rêves ambitieux Jean avait pu faire, mais j'ai confessé les miens franchement. Le fond de ma littérature, c'était l'histoire à Laurent Bruant. Désirant me montrer modeste, je n'avais pas été jusqu'à souhaiter du premier coup d'être roi. Le grade de capitaine me suffisait pour commencer. Au lieu de cela, je me retrouvais couché dans mon poussier de charbon mouillé auprès d'Isidore qui avait échappé par miracle au péril de la tempête, mais qui en était resté gravement indisposé. L'odeur du malheureux animal, modifiée par sa maladie, arrivait à d'étonnants excès d'âcreté. Nous restâmes longtemps, Jean et moi, humiliés et découragés. Jean pensait comme moi à l'histoire mensongère du matelot de Saint-Jagut, à qui son bouton de culotte valut tout l'or du monde, car il dit « C'est la guillotine qu'il faudrait pour les fainéants qui inventent des bêtises comme ça, susceptibles de porter des enfants à quitter leur magasin pour se plonger au sein de tous les périls. « Peut-être que nous ne sommes pas encore assez loin de chez nous, répondis-je, pour en récolter les avantages. Qu'est-ce que ça peut être que cette côte qu'on apercevait au milieu du jour? L'as-tu bien regardée? Comme c'est différent de nos rivages du côté de Saint-Malo. « La terre est grande, soupira Jean. Cette côte-là, ce soir, on ne la voyait déjà plus. Et veux-tu savoir notre histoire à nous, la vraie qui nous pend à l'oreille? Ces bestiaux de Hollande vont se saouler jour et nuit d'affilée. Si tu crois qu'ils sont fâchés de la mort du patron Haas ou pressés de prendre terre, tu te trompes. Ils vont mener le navire loin, loin au diable au vert, où il n'y a ni douane, ni police, ni inscription maritime, et en chemin comme la carcasse ne tient plus et que le gréement n'est brun de zinc. Au premier gros temps, ils couleront à pic comme le boulet qu'ils voulaient te mettre à la patte. » J'avais l'habitude de contredire à tout ce qu'avançait Jean, mais ici, je ne pus que murmurer. « Ça se pourrait bien tout de même. » « Et il n'y a pas besoin de gros temps pour cela, » continua Jean. « Qu'il se trouve seulement une roche à fleur d'eau, ils iront dessus tout droit. » Il parla pendant plus de 10 minutes sans que j'eusse la force de l'interrompre. Tous les dangers de la mer, il les énumérait avec une diabolique éloquence. J'avais le frisson à la peau, et chaque fois que le navire remuait, je m'attendais à ouïr le craquement sinistre qui précède l'agonie. Tout à coup, je me levais tenant mon nez à poignée. Notre compagnon de chambre venait d'avoir une colique. « Veux-tu m'aider à tuer Isidore ? » demandai-je à Jean. « Pas de danger que j'y touche !» me répondit-il. « On gagnerait la peste !»« Alors, dis-moi le moyen d'évasion dont tu m'as parlé tantôt, et allons-nous-en. »« C'est vrai ? » s'écria-t-il. « Je n'y pensais plus. C'est la chaloupe, une belle chaloupe bien commode, qu'ils ont retiré du pont où elle aurait été écrasée pour la mettre à la traîne. Je sais où trouver une bonne paire d'avirons. Il ne s'agit que de voler le couteau de ce scélérat de Klotz. On se laissera glisser le long de la traîne, on coupera la ficelle, et puis bonsoir. » Le voisinage d'Isidore me donnait un courage de lion. « Je suis prêt à tenter le coup, si tu veux, et tout de suite, » m'écriai-je en essayant de fourrer mes poings dans mes narines. Jean se leva à son tour. « Ça va, » dit-il. « Demain, quand ils ne nous trouveront plus pour pomper et ratisser les carottes, c'est eux qui chanteront Nardar, quoi, et tout le cantique des grenouilles. Mais, minute, qu'est-ce que nous ferons quand nous serons seuls au large ?»« Eh bien, nous ramerons. » « Dans quelle direction ?» Je restais un moment embarrassé, mais je répondis bientôt. « Parbleu, dans la direction de la côte que nous apercevions hier ?» Jean réfléchit. Il avait en vérité un petit bout de bon sens. « Voilà ce que c'est, dit-il enfin, que de n'avoir pas été au collège. Les vieilles luminaies nous volaient nos 20 sous. À entendre causer les marins qui venaient chez Veuve Élie, je sais plus de 500 noms de la géographie et des drôles. Papeïti, Zanzibar, Monomotapa, le pic de Ténérifle et autres. Mais où ça pose tous ces pays-là? Cherche! Si on connaissait seulement au juste les terres qu'il y a entre Saint-Malo et l'Amérique, on pourrait appeler la côte de ce matin par son nom. Attends, répliquai-je, je vais te dire. Les terres Neuva parlent toujours des Açores, et ceux qui reviennent du Brésil chantent les îles du Cap-Vert. » Jean secoua la tête d'un air entendu. « C'est que, dit-il, ce n'est pas la même chose pour le commerce. Aux îles du Cap-Vert, on vend des melons. Aux Açores, c'est du vin doux. Et qu'est-ce que cela nous fait ? M'écriai-je. Bon, bon, grommela Jean, je pense toujours à la pacotille. As-tu donc un moyen de la ravoir ? Demandai-je. Comme il allait me répondre, notre malheureux compagnon s'agita. Ce fut terrible. Jean lui-même poussa un pouah désespéré et me dit « Ce n'est pas du lard de Saint-Malo, bien sûr. Il l'avait amené de Hollande. Nous soulèverons un peu le panneau pour boire une gorgée d'air. »